radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, 13 juillet 1793, Charlotte Corday assassine Marat. L'image, immortalisée par le peintre David, est célébrissime. Le député jacobin Jean-Paul Marat, la tête enturbanée, agonisant nu dans sa baignoire, après le coup de poignard fatal que vient de lui asséner Charlotte Corday. Avec ce tableau naissait la légende du héros mort pour la Révolution. Mais une autre légende, diamétralement opposée, naissait en même temps. Celle de Charlotte Corday, cette jeune aristocrate normande, arrivée quelques jours plus tôt à Paris, bien décidée à assassiner celui qui, à ses yeux, incarne la monstruosité de la violence révolutionnaire. Mais qui est-elle vraiment ? Une modérée armée par les Girondins, une dangereuse virago en mal d'aventure, ou bien une sainte nostalgique de l'Ancien Régime, comme le prétendront les monarchistes du XIXe siècle. Une chose est sûre, Charlotte Corday fait partie de ces femmes que la Révolution a fait entrer dans la politique avant de les punir et de les en exclure. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Solène Mabot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université Rennes 2, spécialisée dans l'histoire des femmes engagées dans la Révolution française. Alors, je viens de dire que la Révolution a fait entrer les femmes dans la politique. Alors, les plus célèbres, hein, bien sûr, c'est Madame Roland, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Marie-Antoinette aussi, hein, dans l'autre camp. Et il y a celle du peuple, par exemple les Parisiennes qui marchent à Versailles en octobre 89. Comment situer Charlotte Corday parmi toutes ces femmes, Solène Mabot? Oui, en effet, Charlotte Corday, mais elle fait partie de ces grandes figures, hein, parmi celles que vous avez citées. Elle est peut-être la plus célèbre d'ailleurs. Tout à fait. Elle a été très célèbre, eh bien, dès les événements, et puis tout au long du 19e siècle, du 1er 20e siècle. Et c'est vrai que c'est peut-être depuis peu, en fait, que cette figure s'est peut-être un peu éclipsée par rapport à des grandes figures qui incarnent la revendication des droits pour les femmes, hein, et qui peut être située comme un Olympe de Gouges dans une forme de, comme un peu des précurseurs, hein, des féministes. Mais c'est vrai que Charlotte Corday a été immédiatement très célèbre. Elle est restée longtemps. Et comparée à ces autres figures que vous avez pu citer, elle reste très inclassable, en fait, hein, sur l'échiquier politique. Elle a fait l'objet de mémoire plurielle, hein, et c'est pour ça que c'est toujours passionnant, en fait, de se pencher sur sa trajectoire. Charlotte Corday est née en 1768 en Normandie, dans le pays d'Auge, d'une famille noble, catholique, éduquée, mais pauvre. Par quel chemin cette jeune fille, promise plutôt au mariage ou au couvent, on dirait, en vient-elle à s'engager dans la politique et puis surtout à commettre un crime ? Eh bien oui, elle s'intéresse en effet à la politique dans une époque en fait, hein, où la politique eh bien est partout finalement la politique s'intéresse à Charlotte Corday aussi bien que Charlotte Corday s'intéresse à elle dans un climat politique tout à fait passionné en fait et qui suscite en retour des passions hein, telles que celles que peut nourrir à ce moment-là Charlotte Corday. Oui, c'est la révolution d'une certaine manière qui amène cette femme à s'intéresser à la politique. Elle a lu, je crois, les philosophes aussi. Elle est assez éduquée. Elle a une bonne éducation dans des institutions religieuses. Elle a lu les philosophes, quoi. Tout à fait. Et au-delà de ça, la politique, en fait, entre dans sa vie, mais comme elle entre dans la vie d'une très large majorité de Français et de Françaises à cette époque-là. C'est-à-dire que la Révolution bouleverse véritablement la vie quotidienne de tout un chacun. Et pour Charlotte Corday, ça signifie des choses très concrètes. Hein. C'est l'émigration de ses deux frères, par exemple. Ce sont aussi les déboires politiques de son père. C'est encore la fermeture hein, du couvent où elle a passé 8 ans, hein, qui font voilà qu'elle quitte son couvent à la fin de l'année 1790. Donc nécessairement, la rupture politique est là au quotidien. Et puis autant, hein, elle est comme son père d'ailleurs. Hein, elle a en effet lu les philosophes. Elle est adepte d'une pensée voilà des Lumières, ouverte, libérale. Et toutefois, elle est aussi très vite heurtée, hein, par toute une série de réformes qui, notamment les réformes religieuses, hein, mais oui, aussi elle est la manière dont elle est catholique fervente, ouais. Hein, éduquée pendant plus de 8 ans à l'abbaye bénédictine de Caen. Donc nécessairement, elle va être heurtée par ces réformes-là, heurtée aussi par le sort qui est réservé à certains nobles de Caen qui font partie, voilà, de son entourage, hein, proche. Donc par ce biais, la politique, en effet, entre nécessairement dans sa vie. L'histoire que je vais raconter, Solène Mabot, dans un instant, commence en début juillet 1793. Pouvez-vous nous rappeler où en est la Révolution à ce moment, hein? On est en crise, là, crise politique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, voilà, il y a ce temps l'entrée de la politique dans la vie de Corday, en fait, qui s'accélère, en fait, en 1793, puisque, au cours des journées, hein, des 31 mai et 2 juin 1793, à Paris, à la Convention nationale, à l'Assemblée, les députés, qualifiés de députés girondins, qui sont des députés modérés, hein, eh bien, ont été exclus, hein, de l'Assemblée, et une partie de ces députés girondins se sont réfugiés dans la ville de Caen. Ils arrivent là, donc, dans une ville où les autorités elles-mêmes, hein, ont pris le parti de cette faction girondine contre la Convention dominée désormais par les montagnards. On est dans une crise aussi, c'est la guerre, quoi. Enfin, il y a les armées européennes sont aux portes de la France, la Vendée se soulève contre les conscriptions, donc il y a un vrai danger, la Révolution est en danger. La Révolution est en danger, en effet, la guerre face à la coalition des monarchies extérieures, mais aussi des troubles intérieurs très forts, hein. C'est en effet ces troubles de la Vendée et de la Bretagne, hein, contre-révolutionnaires, et ce sont ces troubles qui démarrent, hein, autour de l'éviction de ces députés girondins, qu'on appelle donc les troubles fédéralistes, c'est-à-dire donc la mobilisation des partisans des Girondins contre cette convention qui est dominée par les montagnards. C'est donc dans ce contexte que va démarrer notre histoire. Solène Mabot, nous poursuivrons tout à l'heure cette discussion, si vous le voulez bien. Tout de suite, 13 juillet 1793, Charlotte Corday assassine Marat, un texte de Jean-Baptiste Sabiani, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Le député Barbaroux veut me revoir. Sa présence ici est le signe que j'attendais. Le hasard a voulu que les députés girondins se réfugient à Caen, à côté de chez moi. Oui, c'est un signe qui montre que j'ai un rôle à jouer dans notre révolution. Monsieur Barbaroux m'a écouté quand je l'ai sollicité pour aider Alexandrine. Pour ce nouveau rendez-vous, je vais lui dire ce que je pense de la trahison de la révolution. Je le vois bien disposé à mon égard. Que m'importe qu'il me trouve jolie, même si toutes les femmes disent qu'il est bel homme. Moi, la galanterie et autres fadaises ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la liberté. Caen, dans le Calvados, le 5 juillet 1793. Charlotte Corday, jeune noble de 24 ans, désargentée et passionnée de politique, voit le camp révolutionnaire auquel elle appartient se déchirer dans une guerre sans pitié. D'un côté, les Girondins, modérés, dont elle se sent proche. De l'autre, les Montagnards, menés par Marat, qui pourchassent les ennemis intérieurs de la Révolution. Le 31 mai à Paris, ils ont expulsé 29 députés Girondins de la Convention. Nombre d'entre eux, parmi lesquels le député Barbaroux, se sont réfugiés à Caen. Installés à l'hôtel de l'intendance, à 100 mètres du domicile de Charlotte, ils fomentent en secret une riposte. La jeune aristocrate, révulsée par le climat de terreur instauré par les montagnards, s'enthousiasme de faire valoir son point de vue auprès d'une personne de pouvoir. Par ici. Merci de me recevoir de nouveau, député Barbaroux. Mademoiselle, j'ai réfléchi. Il est inutile que j'écrive au ministre de l'Intérieur pour aider mademoiselle de Forbin, je suis désolé. Vous devez l'aider, monsieur. C'est ma seule amie. Sa demande de pension est légitime. Mais vous le savez bien, je suis un député proscrit. Mon appui la desservirait plutôt. Que vaut ma parole auprès d'un ministre ? Mais vous sembliez si bien disposé à ma requête. N'y voyez rien de personnel. Les fanatiques sont au pouvoir, par un coup de force. Désormais, ils incarnent une tyrannie, une dictature pire que celle des rois. Ils ont fait de nous des criminels, nous, les élus du peuple. Je ne peux rien demander. La seule solution qui me reste est de les combattre. Et par-dessus tout, Mara. Mara plus que les autres ? Vous le pensez ? Je le connais bien. J'ai suivi ses cours de sciences à Paris en 1788. Nous étions amis. Il me suppliait de l'emmener à Marseille. Je l'ai retrouvé quand j'ai été élu à l'Assemblée législative l'année dernière. Je m'en suis vite éloigné. Tué. Il n'a que ce mot à la bouche. C'est pour cela que vous le citez sur l'affiche que vous avez fait placarder. Que celui-là périsse. Mara est le pire de tous. Si nous ne l'arrêtons pas, c'est une tyrannie sans limite qui s'établira. Ce serait la fin de la Révolution. Mara a déjà obtenu 100 000 têtes. Avec ses nouvelles guerres et ses nouvelles condamnations, dont la mienne, c'est 3 ou 5 fois plus qu'il réclame désormais. Quelle horreur. Les royalistes et les monarchies européennes attaquent la République, mais à Paris, les montagnards, ivres de sang, ont perdu la tête et ne pensent qu'à couper la nôtre, alors que c'est nous qui avons fait la Révolution. Avec de graves erreurs. Vous avez eu tort de faire exécuter le roi. Je ne l'aimais pas, mais sa mort n'a rien résolu. Le sang appelle le sang. J'assume le régicide. Il était hélas nécessaire. J'exècre toute mort inutile et injuste. J'ai encore le souvenir de l'abbé Gombeau, un homme si bon, qui avait assisté ma mère dans ses derniers instants. Il a été traqué et guillotiné place Saint-Sauveur. Ce sont les montagnards les responsables. J'ai dénoncé Robespierre et tous les jacobins. J'ai poursuivi les assassins de septembre. Mais depuis, ils ont volé le pouvoir. Et Mara les pousse toujours plus loin. Mais nous pouvons encore sauver la Révolution. Le fédéralisme. Voilà la solution. Vraiment. La solution, c'est une armée des provinces contre l'emprise tyrannique de Paris et son gouvernement central. Combien de morts encore ? Et le succès est-il garanti ? Ce sont là des sujets bien graves à discuter avec une jeune femme telle que vous. Mon sexe m'interdirait de réfléchir à mon pays ? Pas du tout. J'ai été très proche de Madame Roland. Les femmes font la Révolution. Mais vous êtes encore jeune. J'ai vu votre émotion à l'évocation de votre pauvre mère. Vous reste-t-il de la famille ? Mon père s'est remarié et vit à Argentan avec ma sœur cadette. Mes deux frères ont émigré. Nous sommes de petite noblesse, sans terre et sans argent. J'habite avec ma tante un peu plus haut dans la rue. Et vous ne vous mariez pas ? Jamais. Ce serait renoncer à ma liberté. Je l'aime plus que tout, pour moi et pour mon pays. Des sentiments bien nobles vous animent. Vous m'aiderez, monsieur ? Difficile de refuser quelque chose à une personne telle que vous. Concernant Mademoiselle Forbin, je peux écrire à mon ami Dupéret et lui demander d'intervenir auprès du ministre de l'Intérieur. Il est encore à Paris et lui n'est pas inquiété comme moi. J'irai voir le ministre lui-même si vous me disiez que c'est utile. Je ferai tout ce que vous me direz. Dans la situation actuelle, évitez surtout d'aller à Paris. Vous pouvez revenir me voir dans 2 jours. Je vous donnerai une lettre pour Dupéret. Merci. Je reviendrai. Vous me le promettez ? Je n'ai qu'une parole. Merci, monsieur. Le député Barbaroux va m'aider. Mais pour le reste, que propose-t-il ? Lever une armée contre Paris ? Encore sacrifier des milliers de jeunes gens, enthousiastes certes, mais innocents. Ici, dans toute la Normandie, on veut se soulever contre Paris, pour l'unité de la République. J'ai entendu le député Pézenas dire « Faites tomber la tête de Mara et la patrie est sauvée ». Lui aussi voit en Mara le meneur des assassins. Ses appels incessants au meurtre dans l'ami du peuple enfièvrent ses partisans. Il est responsable des journées d'émeutes qui ont entraîné l'arrestation des Girondins. C'est lui qu'ils doivent éliminer. Mais à quel prix ? Quand Charlotte Corday sort de l'hôtel de l'intendance, sa conviction est faite que seule la mort de Mara pourra mettre un terme à la tyrannie. Elle commence alors à s'organiser méthodiquement. Durant 2 jours, elle visite ses parentes et amis, prétextant des livres empruntés ou des objets prêtés. Ses adieux secrets faits, décidée à rejoindre Paris, elle commence à préparer sa malle. Des objets de toilette, un jupon de soie rose, des chemises, des bas de coton, un paquet de rubans. Prévoyante, elle retient une place dans la diligence pour Paris du 9 juillet 1793. Puis elle retourne voir le député Barbaroux. Que regardez-vous comme cela ? J'ai l'impression que vos amis se moquent de moi. Monsieur Pétion m'a salué d'un air railleur en m'appelant la belle aristocrate venue pour voir les républicains. Il l'ignore, mais j'ai lu et adopté les idées de Montesquieu et Rousseau. Voyez ? Il nous regarde. La vue d'une grande et belle jeune fille peut troubler les esprits les plus élevés. On m'a dit que vous étiez une descendante du grand Corneille. Je suis une de ses arrière-petites filles, à la 5e génération. Réciter ses tragédies est un de mes plus grands plaisirs. J'ai pris le temps d'écrire une lettre à mon collègue Dupéret. Tenez. Merci. Je la lui remettrai moi-même. Vous n'allez pas à Paris ? C'est impossible, il y a des barrages partout. J'ai un laissez-passer en bonne et due forme, rassurez-vous. Mais la confusion règne là-bas. Depuis que les amis de Marat dominent le comité de sûreté générale, tout le monde est suspect. Ils voient des ennemis partout. Une jeune fille telle que vous serait sans cesse confrontée au danger. Je dois faire mon devoir, monsieur. Votre devoir est-il de risquer votre vie ? Vous risquez bien la vôtre ? Vous serais-je inférieur ? Croyez-moi, aller à Paris en ce moment est une folie. Monsieur, je crois que c'est une nécessité. Mais vous m'aviez promis, Charlotte. Laissez ma main, monsieur. Votre attachement me touche, mais je dois vous quitter. À bientôt. Voilà. La proclamation du député Pézenas. Celle de Barbaro. Que partent en fumée tous ces papiers que je gardais précieusement. Les amis de Marat, ces sinistres inquisiteurs, s'ils les trouvaient chez moi, accuseraient leurs auteurs de complicité avec ce que je m'apprête à accomplir. Mais il me reste le plus dur à faire. Écrire à papa. Mon cher papa. Mon cher papa. Je vous dois obéissance. Cependant, je pars en Angleterre sans votre permission. Cependant, et sans vous voir. Car j'en aurai trop de douleur. Le ciel nous refuse le bonheur de vivre ensemble. Il sera peut-être plus clément pour notre patrie. Adieu. Embrassez ma sœur pour moi. Et ne m'oubliez pas. Corday. Pardonnez-moi, père, de vous mentir. Je dois bien vous protéger. 11 juillet 1793, 11h du matin. Sous une canicule qui s'est installée depuis plusieurs jours à Paris, la diligence, partie de Caen 2 jours plus tôt, arrive place des Victoires. Avec sa petite malle comme seule compagne, Charlotte découvre la capitale quelques jours avant son 25e anniversaire et se met en quête d'une chambre d'hôtel dans ce Paris quadrillé par les implacables comités de surveillance. Bonjour, vous êtes la citoyenne Grolier ? Qui la demande ? Je cherche une chambre. Vous n'avez plus de logement ? J'arrive de Normandie. De Caen ? Seule ? C'est moi, la citoyenne Grolier. Comment vous appelez-vous ? Charlotte Corday. Citoyenne Charlotte Corday. Oui, je suis seule. C'est loin, la Normandie. Et plein d'agitation. 2 jours de voyage. 16 relais. Nous avons dormi à Lisieux la première nuit et roulé depuis Évreux la seconde. C'était long. À mon arrivée à Paris, on m'a donné la carte de votre hôtel. Celle-ci. Ah oui, je vois. C'est pour combien de temps ? 5 jours, au plus. Alors, vous prendrez la 7, premier étage. C'est 3 écus. Merci. Suivez-moi. Par ici. François, prends la malle de la citoyenne. Par là, mademoiselle. C'est une maison respectable, ici. N'ayez pas d'inquiétude. Quelle chaleur. Vous avez vu les royalistes sur la route ? Non. Le voyage était calme. Long, mais calme. Vous avez eu de la chance. Ils s'allient avec les Girondins pour bâtir une armée contre la République. Mais une nouvelle levée en masse les écrasera. Je n'étais pas au courant. Oh, vous avez des préoccupations de votre âge. Voilà, votre chambre. Vous pourrez vous rafraîchir. Très bien. François, pose la malle ici. Je vais me reposer. Et je sortirai cet après-midi. Voir un amoureux ? Oh non, jamais. Eh bien quoi ? Une belle jeune femme comme vous, ça ne serait pas étonnant ? Je n'ai pas de goût pour ces légèretés. Je dois déposer un document rue Saint-Thomas-du-Louvre. Oh, c'est à quelques rues d'ici. Oui, puis j'irai à la salle des machines. Je dois rencontrer le citoyen Marat. Marat ? À la convention ? Vous ne l'y trouverez pas. Ah bon ? Pourquoi ? Il ne sort plus de chez lui depuis des semaines. Il est malade. Il ne sort plus ? C'est grave ? Heureusement, non. Mais il a une maladie de la peau sur tout le corps qui l'oblige à rester toute la journée dans sa baignoire remplie d'une potion qui le soulage. Alors, allez à la convention, pensez. Vous vouliez le voir pourquoi ? C'est important ? Ah oui. Oubliez, vous ne verrez pas. Il arrive quand même à écrire chaque jour l'ami du peuple. Enfin, ça s'appelle maintenant Journal de la République française, mais pour moi, c'est toujours l'ami du peuple. C'est grâce à lui qu'on est informé sur les complots royalistes et girondins, et qu'on arrivera à les déjouer. Vous êtes bien pâle tout d'un coup. C'est la chaleur. Ah oui, oui, on étouffe ici. Hein. Avec cette agitation et ces ennemis de la patrie qui veulent nous abattre. Et le citoyen Marat enfermé chez lui. Ah. Il ira mieux. Bientôt, il retournera à la convention. Même absent, on l'écoute. Surtout Robespierre et Camille. Allons, citoyenne, du cœur. Écrivez-lui, je vous donnerai son adresse. Il pourra peut-être vous répondre pendant votre séjour. Son adresse? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas pour Marat. Il en a vu d'autres. Il est vraiment l'ami du peuple. Et sa volonté est inflexible. Il ne sort pas de chez lui, passe ses journées dans une baignoire, certainement gardée par des monstres aussi sanguinaires que lui. Rien ne se passe comme prévu. Il n'est pas si facile que cela de tuer un homme. Le corps rongé par un eczéma géant, qui ne peut être soulagé que par des bains additionnés de soufre, Jean-Paul Marat passe ses journées dans une petite baignoire sabots en zinc verni, avec un robinet de vidange à son extrémité. Sa dévouée compagne, Simone Évrard, veille en permanence à le soulager et lui permettre de continuer à travailler. Sur une écritoire faite d'une simple planche de bois, la tête sainte d'une serviette nouée en turban, trempée de vinaigre pour soulager ses violentes céphalées, Marat écrit toute la journée. Il rédige l'ami du peuple quotidiennement et bombarde la convention de lettres qui ne sont jamais discutées à sa grande fureur. La convention doit donc sans attendre les arrêter et les mettre hors d'état de nuire. Signé Marat. Simone ! Simone ! Tu m'as appelé ? Ouais, tiens, une lettre pour la convention. Je la ferai porter. Comment te sens-tu ? Oh, arrête de me demander ça sans arrêt, comme si tu voulais me plaindre. Ta carafe est vide, je vais te la remplir. Ton bain n'a pas trop refroidi ? Un peu, si. Je te rajoute de l'eau chaude. Robespierre ne viendra pas aujourd'hui. Il viendra demain. Il est plus préoccupé de sa perruque que du sort du peuple, dont il se méfie. Parfois, je me demande... Attention ! Fais attention, c'est bouillant. Tu te demandes quoi ? S'il ne craint pas l'insurrection populaire, qui est le seul chemin de la révolution. Robespierre est bien trop indulgent envers les oppresseurs. Quand les Girondins t'ont accusé, il t'a bien défendu. Et il les poursuit à ton exemple. Bien trop lentement. C'est un avocat. Mais du temps. S'écoute parler. Assez parler. Il faut agir. Robespierre ne me craint pas assez pour faire ce qu'il doit faire. C'est grâce à moi si nous avons sauvé la Commune de Paris et triomphé des traîtres. Je sais où ils sont. Il faut les débusquer, les poursuivre sans relâche. La garde nationale et le peuple sont avec moi. Tout le monde sait qu'un seul article de l'ami du peuple a plus de puissance que les palabres de tous les autres. Ils discutent au lieu d'agir. Et pas même de ce que je leur dis. Ils ne s'occupent pas des collusions entre les faux patriotes et les vrais ennemis du peuple. Tes ennemis sont arrêtés ou en fuite ? Oh, pas tous. Il y en a que je connais même pas. Combien de fois a-t-on voulu m'écarter ? Il reste tant de complots à déjouer. La dénonciation est un devoir, une vertu. Je vais écrire un article à ce sujet pour l'ami du peuple. Apporte-moi du papier, tiens, et du café. Ça me renforcera. Tu travailles sans discontinuer depuis l'aube. Tu veux pas te reposer un instant ? Simone, mon corps est le reflet de la patrie qui souffre. Cette souffrance, il faut la dénoncer et la combattre. C'est pour cela que je travaille inlassablement. Rien ne m'arrêtera. Le jour de son arrivée à Paris, Charlotte rencontre le député Dupéret, qui accepte d'intercéder auprès du ministre de l'Intérieur concernant la demande de pension de son amie Alexandrine. Mais le lendemain, il l'informe qu'il est lui aussi suspecté de connivence avec les députés proscrits et que les scellés viennent d'être posés chez lui. Voilà où nous en sommes. Mara soupçonne tout le monde. Le pauvre Dupéré. Dans les jours qui viennent, je parie qu'il va se faire arrêter. Puis exécuter. Et des milliers d'autres, encore et encore. Il faut mettre fin à ce cycle infernal. Jusqu'à quand, ô malheureux Français, vous plairez-vous dans le trouble et les divisions ? La montagne triomphe par le crime et par l'oppression. La guerre civile embrase la moitié de ce pays. Le nom du plus vil des scélérats, Marat, présente l'image de tous les crimes. Français, levez-vous contre vos ennemis. France, ton repos dépend de l'exécution de la loi. Je n'y porte pas atteinte en tuant Marat. Condamné par l'univers, il est hors la loi. Voilà, je l'ai mis sur le papier. Mon destin est désormais écrit, je l'accomplirai demain. Cette nuit-là, étouffante, Charlotte Corday a rédigé sa longue adresse aux Français amis des lois et de la paix. Elle dort à peine, et à 6 heures, ce samedi 13 juillet 1793, elle revêt une robe brune passée sur un jupon rayé et, en guise de chapeau, une calotte de feutre noir ornée de rubans. Elle sort et se rend au jardin du Palais Royal, où se trouvent des boutiques spécialisées en coutellerie. Chez Badin, au 177 de la galerie de Valois, elle achète pour 40 sols un couteau de cuisine ordinaire avec un manche de bois noir qu'elle place dans sa gaine de cuir. Dans le fiacre qui l'amène au domicile de Marat, 30 rue des Cordeliers, elle glisse le couteau dans son corsage. C'est ma chance, la gardienne n'est pas là. Dieu et la justice veulent que je réussisse. C'est au premier étage. Voilà. Derrière cette porte se trouve le monstre. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, citoyenne. Je viens voir le citoyen Marat. Qui êtes-vous ? J'arrive de Caen, en Normandie. J'ai des révélations urgentes à faire au citoyen Marat. C'est très important, très important. Il ne peut recevoir personne. Au revoir. Vous ne comprenez pas. C'est une question de vie ou de mort. Alors écrivez-lui. Et lâchez cette porte. Non ! C'est trop important. Je peux revenir plus tard, ou demain. Nul ne sait quand il sera rétabli. Partez, et ne revenez pas, ou j'appelle la garde nationale. Eh bien, citoyenne Corday, vous êtes sortie tôt ce matin. Un rendez-vous galant ? Hein ? Non. Mais ça va ? Y a-t-il un moyen d'envoyer une lettre qui sera donnée le jour même ? Dans Paris, oui. La petite poste distribue des plis toutes les 2 heures. Très bien. Si c'est pour un rendez-vous galant, ça y ressemble étrangement. Citoyen Marat, j'arrive de Caen. Votre amour pour la patrie doit vous faire désirer de connaître les complots que l'on y médite. Je peux vous les raconter. J'attends votre réponse. Pour ne pas se faire dévorer par l'attente de la réponse de Marat, Charlotte fait venir un jeune coiffeur du quartier qui lui boucle la tête, lui met un trait de poudre et de la pommade au jasmin. Au terme de la journée, sans nouvelles du député, elle se parfume, revêt un déshabillé moucheté et jette un fichu rose sur son décolleté. Coiffée d'un chapeau haute forme, le couteau dans son corsage, Charlotte Corday retourne en fiacre aux 30 rue des Cordeliers. Encore vous ? Mais à quoi sert cette gardienne ? Je vous ai dit de partir ! J'ai écrit au citoyen Marat. Il m'attend. Je le saurais s'il attendait quelqu'un. Partez ! Laissez-moi entrer ! Je sais des choses importantes. Un énorme complot se prépare. En Normandie, partout ! Marat veut savoir ! Marat veut savoir ! Il doit savoir ! J'appelle la garde ! Simone ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je dois savoir quelque chose ? C'est une citoyenne. Elle voudrait te parler. De quoi ? Elle dit que c'est à propos d'un complot, en Normandie. En Normandie ? Fais-la entrer. Vous avez entendu ? Entrez. Entre, citoyenne. N'aie pas peur. Tu as des choses à me dire ? Comment t'appelles-tu ? Charlotte Corday. J'arrive de Caen. Je veux t'informer de ce qui se trame là-bas contre la patrie. Les Girondins proscrits s'y sont réfugiés. Ouais, bah ça, je le sais déjà. Ils sont maîtres de la ville. Ils préparent une attaque contre Paris. Les traîtres. connais le nom des meneurs ? Tous. Je t'écoute, dis-moi. Pétion, Gadet, Louvet, Barbarou, le député de Marseille. Que font-ils ? Ils incitent les Normands à s'enrôler dans une armée pour marcher sur Paris. Que vas-tu faire ? Ta carafe d'eau d'amande, Marin. Merci. Laisse-nous, Simone. Non, laisse-nous, je te dis. Alors, dis-moi plus sur cette armée. Elle est commandée par le général Wimpfen. Combien d'hommes, à peu près ? Ils recrutent tous les jours. Ils reçoivent des renforts de toute la Normandie. Et puis ? Du Finistère, du Morbihan. Ils ont envoyé un manifeste à Bordeaux et à Toulouse. Oui, ils ont des complices. Ils sont sûrement aidés par l'Angleterre, le complot est général. Ils constituent une armée des provinces contre Paris et son gouvernement central, et s'appellent fédéralistes. Fédéralistes. Ah, les chiens, ils espèrent jouer aux quilles avec nos têtes. Hé, hey, donne-moi d'autres noms. De Cussy. Ouais. Du Chastel. Ouais. Gorsas. La Rivière. Et d'autres noms encore, des noms de personnes que je ne connais pas, des personnalités du Calvados qui les ont rejoints. Il faut plus de noms, plus de noms. Ils disent qu'ils veulent délivrer la France des bandits et des assassins qui l'étranglent. Ils disent que tu es le pire et veulent ta perte. Que vas-tu faire ? Mais je les ferai tous guillotiner où qu'ils se trouvent. Tu en as le pouvoir ? Bien sûr. Et d'autres noms ? Non. Mon destin s'accomplit à 7 secondes. À moi ! Je meurs ! Non ! Non ! On a assassiné Marat ! On a assassiné Marat ! Arrêtez-la ! Arrêtez-la ! Alertés par Simone Évrard, les voisins accourent immédiatement. Charlotte est frappée, jetée à terre, puis ligotée. Je suis venue de Caen pour tuer Marat ! J'ai agi seule ! Des représentants du comité de sûreté générale arrivent assez tôt sur place et entendent le chirurgien, habitant l'immeuble, constater la mort de Marat. Le commissaire Guélard interroge Charlotte. Charlotte Corday reconnaît son acte devant le corps de Marat, qui a été sorti de la baignoire et posé sur un lit. La nouvelle se répand dans Paris. Marat est pleuré comme un martyr de la liberté, promis au Panthéon et à l'immortalité, grâce au génie de David, ami du député, venu le peindre quelques heures après son trépas. À 2h du matin, Charlotte quitte l'immeuble pour rejoindre la prison de l'abbaye, cernée par une foule hurlante qui la conspue. La police la met à l'abri dans un fiacre qui arrive à démarrer. Nous sommes le 14 juillet 1793. Elle est incarcérée à la prison de l'abbaye. Député Barbarou, je vous écris depuis une cellule qu'a occupée Madame Roland. Au lieu de perpétrer de nouveaux crimes, Marat répondra de ce qu'il a commis devant Dieu. Je m'attendais à mourir dans l'instant, mais l'on m'a préservé de la fureur bien excusable des malheureux que j'avais faits, le peuple honnête, manipulé par ce monstre. Je ne doute pas que l'on tourmente un peu mon père. Je vous prie de prendre sa défense. Vous savez bien que j'ai agi de mon propre chef, sans aucun guide ni influence. Je n'ai jamais haï qu'un seul être. Mais il en est mille que j'aime encore plus que je ne le haïssais. J'attends depuis 2 jours d'être jugée, sans crainte ni appréhension. Marianne Charlotte de Corday, ci-devant d'Armand. C'est moi. Je suis Jacques Montanet, président du tribunal criminel révolutionnaire qui vous jugera cet après-midi pour l'assassinat du député Jean-Paul Marat. Cet interrogatoire préalable est l'occasion pour vous d'expliquer votre crime. Pourquoi avez-vous tué Marat ? À cause de tous ces crimes passés qui annonçaient ceux à venir. À cause de la guerre civile qu'il entretient pour se faire nommer dictateur ou autre chose. Parce qu'il a attenté à la souveraineté du peuple en faisant arrêter et enfermer les députés à la convention le 31 mai dernier. Qui vous a commandé de venir depuis quand pour perpétrer ce meurtre ? C'est une décision que j'ai prise seule et dont je n'ai informé personne. Non, non. Une personne de votre sexe et de votre âge ne fait pas 2 jours de voyage pour tuer quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Il faut bien qu'on l'y force. J'ai agi de ma seule volonté. En citoyenne, libre. Je n'aurais jamais commis un tel attentat sur le conseil d'autres. Vous ne connaissiez même pas Marat. 4 ans de crimes ont suffi à me le faire connaître. Je n'avais besoin de personne pour savoir qui il était. Mensonge. Vous arrivez de Caen, repère des ennemis du peuple. Vous réussissez à approcher Marat en prétextant des informations à transmettre sur les comploteurs, sur un complot dont vous faites partie. C'est vrai, j'ai employé un artifice perfide pour l'attirer à me recevoir. Tous les moyens sont bons pour une telle circonstance. Mais personne ne connaissait mes intentions, ni à Caen, ni à Paris. Je ne fais partie d'aucun complot. Il n'y a pas de complot. Aucun jury ne croira qu'une jeune provinciale inexpérimentée a commis un tel attentat sans y avoir été poussée. Et n'avez-vous pas assisté au conciliabule des députés traîtres de Caen ? Non, jamais. Mais vous connaissiez le fugitif Barbarou ? Vous lui avez même écrit depuis votre cellule, avouez ! Il n'est pas mon ami. Je l'avais sollicité pour une affaire concernant une de mes parentes. Et quand vous l'avez rencontré, il ne vous a surtout pas déconseillé de commettre cet acte odieux. Je ne l'en ai jamais averti. Je lui ai écrit pour le convaincre que je suis bien l'autrice de cet acte. Je suis certaine que, comme vous, il ne croit pas une femme capable de penser et d'agir pour la liberté. On a retrouvé sur vous ce document. Adresse aux Français. Signé de votre nom. Qui l'a écrit ? Sa signataire, moi, en arrivant à Paris. Rendez-la publique. Elle explique qui je suis. Je l'ai écrite pour cela. Écoutez, nous ne sommes pas encore en audience publique. Je suis prêt à admettre que vous pensez être sincèrement du côté du peuple. Mais qui vous a fait commettre ce crime ? Vous avez raison de croire en ma sincérité. Cette adresse est également pour vous. Oh, ma patrie ! Tes infortunes déchirent mon cœur. Je ne puis t'offrir que ma vie. Et je rends grâce au ciel de la liberté que j'ai d'en disposer. Et votre liberté, c'était de tuer Marat ? J'ai tué un homme pour en sauver 100 000 ! Le coup de couteau a pénétré entre la première et la seconde vraie côte, obliquement et par un étroit passage, dans l'oreillette gauche. Un coup d'expert. Vous vous êtes essayé avant de tuer Marat. Le monstre. Il me prend pour un assassin. Le 16 juillet, Charlotte Corday, droite et courageuse, vêtue de blanc, fait face à ses juges et au célèbre accusateur public, Fouquier-Tinville. Son apparition apaise l'hostilité de la foule nombreuse. La jeune femme écoute l'acte d'accusation, reconnaît et assume son acte. Fouquier-Tinville échoue à convaincre le jury des intentions contre-révolutionnaires de l'accusé, dont la sincérité est manifeste au président Montané et aux 15 jurés. Au terme de quelques heures d'audience et d'un délibéré rapide, Charlotte Corday est condamnée à la peine de mort pour le lendemain, place de la Révolution. Le 17 juillet 1793, la foule est si nombreuse sur le chemin vers la guillotine que la charrette n'avance pas. « Vous trouvez que c'est bien long, n'est-ce pas ?» s'inquiète le bourreau Samson, impressionné par la dignité de la jeune femme, vêtue de la chemise rouge réservée aux assassins. « Bah, nous sommes toujours sûrs d'arriver, » répond-elle d'une voix claire et calme. « Pardonnez-moi, cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans votre permission. » J'ai vengé bien d'innocentes victimes. J'ai prévenu bien d'autres désastres. Je vous prie de vous réjouir de mon sort. La cause en est belle. N'oubliez pas ce vers de Corneille. Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. Le 13 juillet 1793, Charlotte Corday assassine Marat, un texte de Jean-Baptiste Sabiani, avec Charlotte Corday, Tiphaine Rabault-Fournier, le député Barbarou, Julien Campagny, Madame Grolier, Johanna Nizard, Jean-Paul Marat, Yannick Choira, Simone Évrard, Élodie Collin, Jacques Montané, Éric Caruso, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierrick Charles et Élise Leu, stagiaire son Théo Charpentier, assistante à la réalisation Aurélie Miremont, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter, on reprend la discussion sur Charlotte Corday dans quelques minutes avec mon invité Solène Mabot. Longer. Darkness to Light de Damon Albarn sur France Inter. Auteur n'importe l'histoire et réalisé par Anne Weinfeld, assisté d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Sybille Clamins. Solène Mabot, on ne peut être que frappé par la détermination, le courage de cette femme de 24 ans. D'abord, la préparation minutieuse du crime, le crime lui-même, même si on ne l'approuve pas, il faut du courage pour donner un coup de couteau à un homme. Ensuite, elle est seule à son procès. Et puis, bien sûr, le calme avant la guillotine. C'est étonnant, non ? Oui, bien sûr, c'est absolument impressionnant. C'est une entreprise solitaire. Hein, et d'ailleurs, c'est ce que ne parviennent pas à accepter, hein, ces juges qui pensent qu'il y a derrière nécessairement un complot qui serait le fait des Girondins, et elle agit seule, elle organise tout cela seule, et ensuite elle assume tout à fait son acte, hein, puisque elle revendique, hein, même totalement jusqu'au bout. Donc c'est un acte politique, c'est pas l'acte d'une écervelée un peu exaltée, comme on prétend. Il y a un texte terrible qui a été écrit quelques jours après son exécution, et qui dit, donc, du Conseil général de Paris, « C'était une virago, plus charnue que fraîche, sans grâce, malpropre, comme le sont presque tous les philosophes et tous les beaux esprits femelles. Charlotte Corday avait 25 ans, c'est être dans nos mœurs presque vieille fille, et surtout avec un maintien homasse et une stature garçonnière, c'était une fille de condition, farcie de livres de toute espèce. » Donc là, il y a tout un florilège de propos misogynes, assez étonnant. Étonnant, en fait, qu'on retrouve, hein, à chaque fois pour viser, en fait, des femmes qui s'engagent, hein, de cette manière en politique, et notamment celles qui entendent user des armes, hein, qui sont alors le monopole des hommes. Donc cette idée de virago, de femme-homme, de femme, du coup, qu'on décrit comme une femme virilisée, monstrueuse, hein, ce sont des étiquettes qui ont pu aussi être accolées à d'autres figures comme Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges. Donc là, on est vraiment dans le registre misogyne, en effet. Mais qui n'est pas si étonnant, en fait, hein, dans ce contexte-là. Et en effet, ce qui paraît inconcevable, voilà, c'est que cette jeune femme, sortie depuis à peine 2 ans là du couvent, eh bien, ait pu perpétrer un tel acte. Alors, acte politique, oui. Le fait d'une cervelée, non, mais exaltation aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette dimension, en effet, politique, mais aussi une forme d'exaltation qui fait qu'il y a une dimension presque rituelle, religieuse, hein, dans ce geste de Corday. Il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est dans la préparation de son crime, avant de partir tuer Marat, elle soigne sa tenue, elle se fait coiffer, elle se poudre, elle va voir un coiffeur, enfin, elle s'habille d'une manière particulière. Il y a quelque chose d'un peu théâtral, c'est assez étonnant, non ? Oui, de théâtral, et qui peut être relié aussi à son origine noble, hein. Elle est noble, d'une ascendance illustre, de noblesse ancienne, hein, quoique appauvrie et déclassée. Et donc, c'est aussi un geste qui peut se comprendre dans cette culture, hein, de l'honneur, de l'aristocratie, culture de l'honneur, culture du duel, culture du fer ou de l'épée. Hein, quelque chose de chevaleresque, un peu. De chevaleresque, hein, Guillaume Mazot, qui a beaucoup travaillé, qui est spécialiste, hein, de cet attentat de Corday contre Marat, le montre très bien, qu'il y a cette dimension d'honneur très forte, un acte qui est aussi un acte de distinction, d'illustration, hein, et qui peut se comprendre dans ce sens-là, mais qui n'est pas que cela. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette histoire de déclassement social, et donc d'un geste comme ça, qui est une forme de manière de... voilà, un geste d'honneur. Et puis, en parallèle, il y a cette dimension politique, évidemment, qui est forte aussi, et une dimension religieuse, hein, qu'il ne faut pas oublier non plus. Hein, elle a été élevée au couvent, hein, dans une culture où la mort, et notamment le fait de mourir jeune, hein, est qualifiée de manière... est valorisée, hein, comme une vertu. Donc, il y a aussi tout cela qu'il faut prendre en compte pour comprendre ce geste de Corday. Mais elle n'est pas royaliste. Elle est quand même une révolutionnaire, enfin elle est pour la révolution, mais c'est une modérée, on peut dire. Voilà, alors elle se dit républicaine, hein, une républicaine un petit peu, si vous voulez, d'un point de vue un peu idéaliste et théorique, républicaine à la Montesquieu, si on veut, c'est la République et la vertu. Révolutionnaire, oui, au moins à ses débuts, mais une révolutionnaire heurtée par les violences qui accompagnent, hein, toute révolution, par cette idée donc de désordre, d'anarchie. Et pour elle, justement, Marat incarne, hein, ce désordre, cette anarchie qu'elle veut à tout prix détruire pour restaurer la paix, hein, la paix civile, en fait. C'est ce à quoi elle est attachée. Mais en réalité, bon, elle espère, en tuant Marat, restaurer la paix. C'est une forme de vengeance. Qu'est-ce qu'elle espère vraiment? Un soulèvement populaire? Oui, c'est vrai que c'est difficile, tout cela à cerner, parce que donc elle tue un homme, comme elle dit, pour en sauver 100 000. Hein. Elle se place dans ce geste du tyrannicide, hein, un geste héroïque. Il y a cette idée d'ouvrir une faille. Hein. C'est un geste qui peut se comprendre comme la volonté, en fait, de renverser, si l'on veut, la dynamique en cours, la tendance, comme une sorte de coup de tonnerre, hein, qui pourrait, inverser un petit peu le cours de l'histoire. À ce moment-là, les partisans des Girondins, donc que l'on qualifie de fédéralistes, en effet, organisent, hein, une armée de volontaires qui doit se battre contre les armées de la République. Hein, elles sont justement, et qui sont défaites justement, hein, au moment de l'assassinat de Marat. Donc l'idée peut-être de désorganiser en effet les forces montagnardes, mais je pense qu'il n'y a pas que cela. C'est plutôt l'idée de d'un geste qui est presque comme une forme de rituel, hein, pour inverser les choses. Et donc ça, ce n'est pas complètement rationnel, en fait, mais ça répond à une autre forme de rationalité politique qui est à ce moment-là celle de Corday. Quelles vont être les conséquences, justement, de l'acte, de cet assassinat, cette mort de Marat immédiate? Alors, les conséquences immédiates, c'est déjà en parallèle du procès de Corday, ce sont les funérailles, hein, grandioses qui sont faites à Marat, qui sont l'occasion de ressouder, hein, les forces des révolutionnaires à ce moment-là. C'est-à-dire que même des personnes qui pouvaient être des ennemis politiques de Marat, hein, vont un petit peu se solidariser autour de ces funérailles. Donc voilà, un moment à ce moment-là, en fait, d'unité, hein, des révolutionnaires radicaux qui sont au pouvoir. Alors, on a pu dire que l'assassinat de Marat avait ouvert ensuite aux mesures d'exception de la terreur. Bon, c'est une dynamique qui est déjà en cours, qui est déjà à l'œuvre, mais évidemment qui participe, hein, à cette obsession du complot contre-révolutionnaire, qui est évidemment un ingrédient très important des politiques d'exception qui se mettent en place à ce moment-là. La mort de Marat aura une conséquence assez surprenante également. Elle donne le prétexte de mettre à l'écart les femmes qui commençaient à prendre trop de place dans la vie politique. Le 20 juillet, par exemple, donc c'est juste un mois après la mort de Charlotte Corday, Olympe de Gouges, donc celle qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, est arrêtée, elle sera bientôt guillotinée et les clubs féminins seront fermés. Est-ce que Charlotte Corday, justement, elle a représenté quelque chose d'insupportable par son geste pour les révolutionnaires à ce moment-là? Alors, si vous voulez, c'est la pièce d'un puzzle plus vaste, si l'on veut, c'est-à-dire que 1793, c'est un moment où les femmes qui s'engagent dans la Révolution, notamment les révolutionnaires à Paris, sont visibles, très visibles, hein, 1792 et jusqu'à l'été 93. Au moment des funérailles de Marat, ce sont d'autres femmes, hein, des révolutionnaires proches des enragés, membres justement du club féminin, hein, qui sera l'objet de cette fermeture ensuite à l'automne 93, qui sont très très visibles. Donc c'est un moment où, au-delà du cas de Corday, les femmes s'impliquent en politique et sont très visibles. Et ce qui explique en fait les mesures ensuite qui vont les viser et qui vont chercher à les faire rentrer, si l'on veut, dans l'ordre. Dans la légende de Charlotte Corday, on rapporte qu'après son exécution, son corps aurait subi un examen médical post-mortem pour vérifier sa virginité. C'est possible, ça? Alors, il n'y a pas de traces, hein, archivistiques qui permettent de l'attester, donc ça fait partie de la légende. Après, ce sont des gestes qui pouvaient être faits, hein, sur des corps de femmes, hein, et notamment des moniales, hein, qui pouvaient être taxés de dépravation. Bien voilà, sœurs, c'est oui, ces tests, de, oui. Voilà, c'est religieuse, voilà, c'est des tests de virginité qui pouvaient être faits et qui s'insèrent aussi plus largement dans cette méfiance qu'il y a envers les femmes non mariées. Hein, c'est-à-dire là, voilà, cette femme, elle a 25 ans, elle est célibataire, donc on pense qu'elle est vierge. Donc en fait, cette légende autour de cet examen s'insère dans ces peurs qui visent aussi les femmes qui sont en dehors du cadre normatif du mariage, ce qu'est le cas de Corday à ce moment-là. Donc il y a une double légende qui se met en place très rapidement concernant Charlotte Corday, donc celle des révolutionnaires, c'est une libertine, c'est une virago, on l'a entendu tout à l'heure. Et puis pour les monarchistes, au contraire, il y a une autre légende qui se crée, celle d'une sainte, une sorte de Jeanne d'Arc qui s'est sacrifiée. Elle va être célébrée au 19e par Barbé d'Aurevilly, par exemple. Et plus tardivement, sous l'occupation, c'est assez étonnant, elle sera récupérée par des écrivains collabos comme Drieu La Rochelle ou Robert Brasillach. C'est incroyable cette... Oui, longue légende. Tout à fait, elle va être récupérée en fait ensuite par tout ce mouvement nationaliste, anti-parlementaire, parce qu'elle va incarner l'héroïne hein, qui a sauvé la patrie de l'anarchie et qui est allée donc jusqu'à assassiner un député hein, pour sauver la France. Donc ça va parler évidemment à ces mouvements nationalistes et anti-parlementaires, notamment au tournant de la fin du 19e et du début du 20e, ce qui fait que ça contribue aussi à brouiller hein, cette finalement, quelle étiquette politique peut-on accorder à Corday, hein, c'est difficile parce que révolutionnaire, oui, républicaine probablement, mais conservatrice aussi sur le terrain religieux, et puis une mémoire récupérée par le camp de la contre-révolution. Hein, donc c'est tout cela en fait qui construit la dimension en fait assez plastique hein, de sa trajectoire. Merci beaucoup Solène Mabot. Je signale donc que vous êtes l'autrice de nombreux articles dont les références pourront être trouvées sur notre site. Et je remercie également France Bleu Armorique pour les moyens techniques. Autant n'emporte l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons dans les années 30 à la rencontre d'une poétesse russe, une des plus grands écrivains du XXe siècle, Marina Tsvetaeva. Esprit libre et rebelle, vouée à la poésie jusqu'à l'incandescence, elle devra toute sa vie résister au dénuement matériel, à l'exil et surtout aux persécutions politiques. Marina Tsvetaeva, une poétesse à l'épreuve de Staline, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire.